Il est 13h30 et voici l'heure d'Histoire vivante. Très belle journée à l'écoute des programmes de la première. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, des chaînes à la productivité. La partie mécanique étant terminée, la carrosserie descend à son tour sur la chaîne. L'invention du management. Au management, il faut être intelligent, mais il ne faut pas être trop intelligent. L'amélioration des relations entre patrons et ouvriers crée un climat de détente même entre ouvriers. Un industriel place son argent, un banquier déplace le sien. Quand on est un grand industriel, on a le pouvoir de façonner le monde à travers les objets que l'on va produire en masse. Il y a des gens dont la puissance est faite de tout l'argent qu'ils ont prêté. Il y en a d'autres dont toute la force est dans l'argent qu'ils doivent. Marc Mously, vous êtes avec nous pour nous présenter quelques grandes figures du management dans cet ouvrage paru aux éditions Alternatives économiques, Les Petits Matins. Parmi ces grandes figures du management, il faut dire qu'il y a quand même 99% d'hommes et puis il y a une femme. Ce n'est certainement pas votre misogynie qui est en cause, mais peut-être bien plutôt la sociologie assez particulière des managers. Mary Parker Follett, selon certains, l'étoile la plus brillante au firmament du management, elle également, comme Frédéric Taylor et Quaker, ce qui la distingue sans doute, c'est qu'elle n'est pas femme d'entreprise, elle n'est pas chef d'entreprise à proprement parler. Quelle est son approche à elle? Comment elle s'empare de cette chose-là, en sachant que ce qu'il y a de tout à fait passionnant avec elle, c'est qu'elle va être la théoricienne du conflit constructif. Oui, alors Follett, donc Mary Parker Follett, c'est Peter Drucker qui lui-même fut un très très grand théoricien du management et conseiller et un peu praticien, qui disait qu'elle était donc l'étoile la plus brillante au ciel du management. C'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel, qui est tout à fait à part. Mary Parker Follett, qui est née en 1863 à côté de Boston, est venue après que Taylor et fait tout son travail sur l'organisation scientifique du travail. Quand elle s'intéressera aux entreprises, elle verra à l'œuvre et elle étudiera le management scientifique. Mais elle arrive par une voie qui est une voie assez peu ordinaire. En fait, son premier souci, ça a été un souci social. C'est-à-dire qu'elle a commencé par étudier les sciences politiques, etc. Elle a étudié à Harvard, à Radcliffe, puisque les femmes n'étaient pas admises à Harvard. Elle a étudié aussi un an à Cambridge, en Angleterre. Alors là aussi, à Newnham, qui était le collège pour les femmes, puisque les femmes n'étaient pas admises encore à Cambridge. Et elle s'est intéressée d'abord à la science politique. Et puis, rentrée à Boston, eh bien, elle a fait un peu d'enseignement, elle était un peu institutrice, et surtout, elle s'est intéressée très vite aux gens qui vivaient dans des quartiers défavorisés, des immigrés récents souvent, et elle a essayé de les aider, de trouver du travail à leurs filles, etc. La période de cette observation, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est autour de la crise économique de 29. C'était avant, puisque là, je parle d'une époque qui est plutôt le tout début du siècle. Mary Parker Follett, donc, s'est attaquée avec une grande idée, les Américains ont toujours de grandes idées quand ils s'attaquent à quelque chose. Elle, sa grande idée, c'était non seulement d'aider ces gens, mais d'en faire de bons citoyens américains, puisque c'est comme ça qu'on fabriquait les citoyens américains, avec des gens qui arrivaient des Pouilles, de Calabre, de Sicile, d'Allemagne, de Suède, etc. Il y a de l'éthique religieuse dans l'air, oui, d'une certaine manière. Oui, mais les Quakers, alors moi je suis pas du tout religieux, mais les Quakers, c'est quand même des gens assez particuliers. Si on regarde, par exemple, l'histoire du demi-siècle, du premier demi-siècle, du XXe siècle, en Grande-Bretagne, parmi les politiciens de gauche les plus actifs, il y avait des patrons quakers, comme les Rowntree, qui étaient des chocolatiers à York. Rowntree, d'ailleurs, a fait venir Mary Parker Follett en Angleterre. Alors, Follett, donc, a travaillé à essayer de fabriquer des bons Américains. Elle a lutté contre l'alcoolisme, elle a lutté pour que les femmes puissent s'exprimer en politique, le vote des femmes, etc. Elle a mené beaucoup de combats. et surtout celui donc de l'intégration des immigrés et de leurs enfants dans la société américaine. Elle a fait ça pendant 20 ans dans un des pires quartiers de Boston. Et à cette occasion-là, elle a souvent rencontré des patrons, des syndicalistes aussi, mais des patrons, des dirigeants de magasins, dirigeants d'usines, etc. Et comme elle était scientifiquement curieuse, elle a voulu aller voir comment ça se passait sur le terrain, dans les magasins, dans les ateliers. Et elle a fini par acquérir une grande connaissance de l'organisation des entreprises de cette façon-là. Parce qu'elle avait une particularité, c'est que, vous savez, il y a des gens comme ça, il suffit qu'ils arrivent, ils sourient, ils disent bonjour, et les gens leur disent tout le reste. C'est-à-dire que ce soit un DRH, une ouvrière, un chauffeur de taxi, elle disait quelques mots et la personne se déboutonnait complètement, quoi. Du post-socratisme dans la lettre. Oui, bon. Donc, cette capacité donc, à écouter les autres, cette empathie qu'elle avait en permanence, et puis cette réflexion permanente aussi, puisque l'une des particularités notables de Mary Parker Follett, c'était cet aller-retour permanent entre la théorie et la pratique. Elle vivait à Beacon Hill, c'est-à-dire l'un des plus beaux quartiers encore aujourd'hui d'ailleurs de Boston, hein, avec des gens qui étaient des gens de l'entourage de James, le grand philosophe, le frère de Henry, le grand philosophe de Harvard. Et il y avait autour d'elle donc des philosophes, des juristes, etc., avec qui elle discutait en permanence. Donc elle vivait en permanence avec d'un côté la théorie, la discussion, l'approfondissement, et de l'autre côté le terrain d'une façon extrêmement concrète et parfois brutale. Hein. Heureusement, c'était une femme qui était assez costaud et qui se laissait pas faire. Ce travail permanent donc lui a permis de réfléchir sur des questions qui étaient des questions de rapport entre les hommes ou les femmes, hein, même si c'était pas des rapports de travail, c'était des rapports sociaux. Hein. Plus donc cette observation des entreprises, elle a fini par avancer, par faire avancer sa réflexion sur un certain nombre de sujets et par publier. Elle a publié un certain nombre de livres, hein, et en particulier un qui s'appelle Creative Experience, qui a eu beaucoup de succès auprès des dirigeants d'entreprise. Alors, c'est un livre dont on peut regretter qu'il était un peu bâclé parce qu'elle avait de gros problèmes de santé et comme elle risquait sa vie, elle a voulu le finir avant de mourir. Puis en fait, elle est ressortie de l'hôpital vivante. Sans procéder aux corrections qui auraient été nécessaires. Ouais, il aurait fallu peut-être qu'elle la prononce un peu. Et en particulier, elle a beaucoup travaillé, comme vous le disiez, sur le conflit. Hein. Alors, elle a eu une réflexion qui était très importante sur le conflit, avec d'autres d'ailleurs, avec Lindemann, qui était un homme qui a surtout laissé son nom dans les questions de formation. Mais conflit et constructif sont deux mots qui, encore aujourd'hui, paraissent voilà. Tout à fait antinomiques dans l'esprit de beaucoup. Sa théorie était la suivante, c'était pas seulement une théorie, d'ailleurs moi j'y crois assez profondément, c'est que elle dit voilà, on est dans une société, qui peut être la société en général ou une entreprise en particulier, un magasin, un atelier, où on trouve des tas de gens et aucun n'est semblable à son voisin. Il y a une grande diversité. Les gens sont divers par leur fonction, par sans doute leur éducation, par aussi leurs objectifs. Ils veulent pas tous la même chose. Par leur appréciation des choses. Par tout ce qu'on appellera la contingence, hein, l'environnement, les lieux où ils vivent, les difficultés que peut rencontrer ou non l'entreprise, etc. Et elle dit c'est normal qu'entre ces gens qui sont très divers, il y a des différends, qui ne soient pas d'accord à certains moments. Des zones de frottement. Voilà. Alors, le conflit constructif, qu'est-ce que c'est ? Elle dit, bon, puisque ces gens sont différents, puisque la diversité, c'est quelque chose qui est important pour nos sociétés et qu'il faut absolument la conserver, eh bien, ça veut dire qu'il faut traiter les conflits de façon intelligente. C'est-à-dire faire en sorte que quand on entre dans un conflit, on en sorte par le haut, que le conflit soit plutôt un tremplin pour l'innovation, plutôt qu'une source de rancœur. Donc, dans son analyse du conflit, elle dit qu'il y a trois façons de résoudre un conflit, en gros. La première façon, c'est l'autorité. C'est moi le chef, donc content ou pas, tu fais ce que je te dis, point. Bon, il me semble que c'est encore appliqué, ça, mais je ne voudrais pas... les trois sont encore appliqués. Alors, l'autorité, ça peut jouer à l'envers. Hein. Par exemple, le salarié qui dit « Ouais, c'est lui le chef, j'insiste pas, je m'écrase. » Voilà. La deuxième façon, c'est le compromis. Alors, Mary Parker Follett n'avait rien contre le compromis. Elle dit « C'est pas une mauvaise solution. » Le compromis, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est que on met un peu les cartes sur la table et puis on dit « Bon... bon, moi je voudrais bien ça, mais toi ça te gêne beaucoup, donc j'en retire un peu, toi t'en retires un peu, et puis on finit par se mettre d'accord sur le fait que chacun ayant repris un peu de ses ambitions, un peu de ce qu'il aurait souhaité faire ou avoir, on peut continuer à travailler ensemble. Une façon de reconvoquer les gentlemen agreement, finalement. Voilà, voilà. Donc, le compromis, c'est ça. Alors, c'est pas une mauvaise formule, puisque on recommence à travailler ensemble, sauf que tout ce qu'on a réprimé, tout ce qu'on a, on n'a pas eu, ça reste quand même sur le cœur. Et ça ressortira, si vous voulez. Et c'est le germe d'un nouveau conflit dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans. Et alors, elle préconise ce qu'elle appelle l'intégration. Alors, l'intégration, c'est, on analyse les positions des uns et des autres. Alors, chacun reste sur ses ambitions, sur ce qu'il veut, mais il met tout sur la table. On analyse, on regarde pourquoi on n'est pas d'accord. Et alors, la caractéristique principale de l'intégration, c'est que Mary Parker Follett ajoute à l'analyse, à la discussion, un zeste de créativité. C'est-à-dire qu'elle dit, bon, on va chercher une solution qui permette de donner satisfaction à l'un et à l'autre, sans que ce soit la solution qui était imaginée au départ par l'un ou par l'autre. Donc une espèce de... On l'appelle souvent la philosophe de la troisième voie. Mais elle vient d'où cette troisième voie? Elle vient de l'arbitre, de celui qui est au centre, ou elle vient des deux parties? Des deux parties. Des deux parties. Des deux parties. C'est ça. Hein? Alors, on peut toujours trouver quelqu'un qui vient apporter ses lumières, hein, un expert, un médiateur, etc. Mais ça vient fondamentalement des deux parties. Et ils trouvent ensemble une solution. Alors, l'exemple qu'elle donne, c'est un exemple tout simple, tout bête. Hein, elle travaille dans une salle, une petite salle de l'université à Harvard, hein, une salle de bibliothèque. Il y a quelqu'un d'autre, un autre étudiant qui travaille avec elle, à côté d'elle, quoi, pas avec elle, mais à côté d'elle. Et la fenêtre est ouverte. Et elle dit, mais j'ai froid, est-ce qu'on pourrait fermer la fenêtre? L'autre étudiant dit, non, sinon je manque d'air. Alors, ils discutent, et en fait, ils ferment la fenêtre, et ils vont ouvrir la fenêtre de la salle d'à côté. Ce qui fait que l'air ne tombe pas directement sur Mary Parker Follett, et l'autre étudiant a suffisamment d'air pour respirer. Voilà. C'est un exemple tout bête, mais qui montre bien comment on part de quelque chose qui est difficile à concilier, ouvert ou fermé, et puis en fait, en réfléchissant un peu, on arrive à concilier les deux points de vue. La politique doit avoir une technique basée sur la compréhension des lois d'association, c'est-à-dire fondée sur une nouvelle psychologie. La politique à elle seule ne doit pas échapper à toutes les tendances de la méthode scientifique, de l'analyse et de l'efficacité de l'ingénierie. L'étude de la démocratie s'est basée en grande partie sur l'étude des institutions. Elle devrait être basée sur l'étude de la façon dont les humains se comportent ensemble. Nous devons traiter non pas avec les institutions ou toute chose mécanique ou avec des idées abstraites ou hommes ou autre chose, mais juste des êtres humains. Des êtres humains ordinaires. L'importance de la nouvelle psychologie est qu'elle reconnaît l'être humain comme le centre et le façonneur de son univers. Commençons tout de suite à considérer le processus de groupe. Peut-être l'exemple le plus familier de l'évolution d'une idée de groupe est un groupe de personnes qui se réunissent. L'objet d'une réunion est d'abord de créer une idée commune. Je ne vais pas à une réunion de comité simplement pour donner mes propres idées. Si c'était tout, je pourrais me contenter d'envoyer une lettre. Mais je n'y vais pas non plus pour apprendre des autres leurs idées. Si c'était tout, je pourrais demander à chacun de m'écrire une lettre. Je vais à une réunion de comité afin que, tous ensemble, nous puissions créer une idée de groupe. Une idée qui sera meilleure que n'importe laquelle de nos seules idées, qui sera en outre meilleure que toutes nos idées additionnées. Cette idée de groupe ne sera pas produite par un processus d'addition, mais par l'interpénétration de nous tous. Imaginons que vous, moi, A, B et C, sommes en conférence. Direz-vous quelque chose ? J'ajoute un petit quelque chose, puis A et B et C, jusqu'à ce que nous ayons ensemble construit, brique par brique, une idée, un plan d'action. Ça ne se passe jamais comme ça. Jamais. A a une idée, B une autre, l'idée de C est encore différente, et ainsi de suite, mais nous ne pouvons pas ajouter toutes ces idées pour trouver l'idée de groupe. Autant additionner des pommes et des chaises. Il nous faut donc trouver progressivement la solution à nos problèmes, pas en effet par agrégation mécanique, mais par le processus subtil du mélange de toutes les différentes idées du groupe. A dit quelque chose, une pensée surgit alors dans l'esprit de B. Est-ce l'idée de B ou A ? Non, c'est un mélange des deux. Nous constatons que les idées de A, après avoir été présentées à B et retournées à A, deviennent légèrement ou en grande partie différentes de l'origine. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'idée commune naisse. Mary Parker Follett, Le Nouvel État, 1918. Marc Mously, dans Les grandes figures du management que vous avez fait paraître aux éditions Les Petits Matins Alternatives Économiques, il y a deux personnages que j'ai envie de mettre un peu côte à côte. C'est celui qui va être fondateur de l'école des relations humaines, Elton Mayo, et ce patron atypique qui est Auguste Dotteuf. Auguste Dotteuf, je commencerai par ce dernier. À cause de ceci, il a fait paraître un ouvrage, Les propos de Oscar Barenton, confiseur. Je vous en donne trois citations. Consulter, la définition de consulter, façon respectueuse de demander à quelqu'un d'être de votre avis. Définition de réfléchir, attendre quelques jours avant de ne pas changer d'avis. Et encore la définition du théoricien, c'est un individu qui n'est pas de votre avis. Voilà, Auguste Dotteuf me plaît infiniment. Ce patron atypique est un polytechnicien qui a été formé aux maths les plus rigoureuses, mais qui, paradoxalement, croit fondamentalement, fermement, à l'échange et au débat et au syndicat. Et puis en face, Elton Mayo, que j'ai qualifié de brillant intuitif, fortement intéressé par l'utilisation thérapeutique de la psychanalyse, qui l'appliquera, si ma mémoire est bonne, en Australie. Un personnage passionnant parce que fragile psychologiquement, donc dans une espèce de tension entre le souci ou la soif de l'organisation et puis peut-être une fragilité personnelle. Alors on a d'un côté un Dotteuf plein de santé et puis un autre, un Elton Mayo peut-être plus fragile. Oui, alors, quand on fait un livre comme ça, même s'il a un petit côté, je dirais pas scientifique, mais enfin relativement rationnel, on peut pas s'empêcher quand même d'y mettre un peu du sien, quoi. Alors, des gens comme Mary Parker Follett ont pleinement sa place dans ce genre de livre. Dotteuf, ça pourrait se discuter, mais moi j'avoue que j'ai beaucoup de tendresse pour Dotteuf. Alors, comme vous l'avez dit, il était polytechnicien, hein, c'était ce qu'on appelle en France un X-pont, hein, ingénieur des ponts, donc dans la pod de Polytechnique. Il a dirigé et organisé des ports, et puis il s'est lancé dans le privé, bien qu'il ait un sens du service public qui l'a accompagné toute sa vie, mais il a aussi rendu des services au public dans le privé. Et c'est en fait lui qui a été le fondateur d'Alstom. Hein, Alstom. Dotteuf, donc, c'est un homme qui avait une très grande attention à l'homme, hein, aux hommes. Et la grande leçon de Dotteuf, quand même, c'est cette ouverture à l'environnement de l'entreprise. Pour lui, son travail de dirigeant, qu'il faisait avec beaucoup de sérieux, hein, ce n'était quand même qu'une partie d'une vie beaucoup plus large. Alors, il était peintre. Il a créé une revue, Les Nouveaux Cahiers. Il était ami avec tout un tas de gens, et en particulier avec la grande philosophe Simone Veil. Alors, vous savez que Simone Veil a fait un séjour, enfin, elle a travaillé en usine, mais si elle a travaillé en usine, c'est grâce à Dotov, c'est lui qui... Parce que personne voulait embaucher une agrégée de philosophie. Voilà. Elle a donc travaillé en usine grâce à Dotov qui a imposé sa présence à ses subordonnés. Alors, donc, Dotov avait cette ouverture, cette volonté de discuter avec tout le monde. Dans sa revue, Les Cahiers Nouveaux, on trouvait des gens qui avaient des idées complètement opposées. Depuis des marxistes dissidents jusqu'à des conservateurs bontins. Donc c'était un homme de dialogue, un homme qui avait aussi un sens de l'humour, comme vous l'avez vu, assez développé. Et faut dire que ses propos d'Oscar Barenton, confiseur, n'ont jamais cessé de se vendre. Il avait une conception de l'organisation de sa profession, puisque jusqu'ici on a parlé de l'atelier, on a parlé des bureaux, etc. Lui, il avait une conception qui était une conception de l'entreprise dans la société. Donc, vous parliez de syndicats. Il était pour, bien sûr, des syndicats ouvriers forts. Et il était aussi pour des syndicats patronaux forts. Et il disait, l'idéal, ce serait que la discussion, quand il y a un problème qui concerne un métier, une branche, que la discussion ne se situe pas entre les syndicats ouvriers de l'usine et le patron de l'usine, mais entre les syndicats ouvriers et les syndicats patronaux. Il avait une vision assez large de l'organisation, donc de la société. Argent. On fait tout avec de l'argent, excepté des hommes. Monsieur X a réussi. On l'écoute, on l'admire, et certains l'estiment. Il explique volontiers les causes de son succès qu'il avait prévu et qui n'est que l'effet attendu de ses grandes qualités. Il expose comment est dirigée son industrie. Il ne s'y tient pas. Il montre les fautes de ses concurrents, de ses concitoyens, de ceux qui gouvernent. Il reconstruit les choses comme elles devraient être et chacun est frappé de sa profondeur. Sur la morale, il est implacable. Il est contraire aux gros bénéfices qui sont méprisables, aux droits de douane qui favorisent la paresse, à la distribution de dividendes, marque de faiblesse. La vertu sera bien vite oubliée s'il n'en parlait si souvent. On dit qu'il a eu des débuts difficiles et que la belle fortune dont il jouit s'est édifiée sur quelques opérations bizarres. Il fut un temps où on ne lui serrait pas la main. Mais il a depuis si longtemps déjà le moyen d'être honnête, et il l'est tellement devenu, que ceux qui par une fortune ou une sottise naturelle l'ont toujours été, s'honorent d'être de ses amis et recherchent son alliance. Et que voudriez-vous qu'il fisse puisqu'il a réussi ? Laquelle de ces deux vérités est la vérité? Il faut être très riche pour se permettre d'être honnête. Il faut être très riche pour se permettre de manquer d'honnêteté. L'honnêteté est rarement une marque d'intelligence, mais c'est toujours une preuve de bon sens. Un industriel place son argent, un banquier déplace le sien. L'argent est comme la foule qui s'entasse dans le café où il y a foule et déserte le café d'en face, non parce qu'on y est mal servi, mais parce qu'il est vide. Il y a des gens dont la puissance est faite de tout l'argent qu'ils ont prêté. Il y en a d'autres dont toute la force est dans l'argent qu'ils doivent. De tous les usages que le peuple peut faire du peu d'argent qu'il a, la générosité est le seul qui l'égale aux riches. Il le sait. Propos d'Oscar Barenton, confiseur d'Auguste Dotov, 1937. Marc Mously, passons donc au deuxième, le fragile mais pourtant brillant intuitif qu'est Elton Mayo. Alors Mayo, c'est un de ces personnages dans l'histoire du management qui sont assez curieux. Il ne faut pas les regarder avec un œil trop pointu, trop scientifique. Mayo, il marque une rupture. Il marque la prise en compte, donc comme l'indique l'école des relations humaines qu'il a d'une certaine façon fondée, si on peut appeler ça fondée, il marque une rupture donc avec le taylorisme pur et dur. Maillot, grâce à lui, grâce à des expériences dont on peut dire tout, et tout a été dit d'ailleurs, hein, tout et n'importe quoi, grâce à des expériences qu'il a menées donc, dans un atelier de montage de relais électriques, hein, où des femmes montaient des relais électriques toute la journée, grâce à ces expériences, il a réussi à démontrer l'importance de la prise en compte de l'homme ou de la femme dans le salarié ou dans l'ouvrier. Alors, quel que soit l'œil scientifique qu'on peut porter sur ces expériences, il a fait faire un pas considérable au management, dans le sens justement de la prise en compte des sentiments de l'homme, de ses affects, de ses aspirations personnelles, aussi de sa personne elle-même, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade. Bah, s'il arrive malade le matin au bureau, un bon manager va dire « Écoute, si tu veux, tu te mets dans un coin, ou si t'es trop fatigué, tu rentres chez toi. » Tout ça, avant, bon, ça n'existait pas avec le taylorisme pur et dur, quoi. Bon. Alors, c'est toute cette prise en compte de l'homme dans son intégralité que Maillot a apporté. Et d'une certaine manière, il partage avec Dothoff cette idée que ça passe par le dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, d'une certaine manière, s'il n'y a pas la dynamique du dialogue, il y a quelque chose qui, à un moment, est raide. Voilà. Alors, Maillot, c'est le dialogue et surtout l'écoute. Il montre, par exemple, que le simple fait que les cadres s'intéressent au travail et qu'une fois par semaine ou une fois par mois, ils discutent avec chacune des ouvrières... Rien que ça, c'est un facteur de productivité considérable, beaucoup plus que tout ce qu'on peut imaginer comme aménagement, etc. Elton Maillot produit l'effet Hawthorne. Qu'est-ce que c'est cet effet-là? Hawthorne, c'est justement l'usine où étaient ses ateliers, là, où il a fait toutes ses expériences sur l'observation de la réaction des salariés aux conditions de travail, à la façon dont... Voilà. Mais alors, pourquoi est-il décrié? Dans quelle mesure cette attention aux autres est-elle, a posteriori, ou peut-être également de son temps, décriée? Ce qui est surtout critiqué, c'est ces processus d'observation, c'est les protocoles de ces expériences. Parce que il faut avouer qu'ils n'étaient pas toujours très rigoureux, quoi. Ce qu'on pourra en retenir, hein, si on veut à la fois, à la façon de l'intégration de Follett, prendre en compte les critiques et prendre en compte aussi ce que Maillot a apporté. Maillot, c'est quelqu'un qui a obtenu de très bons résultats avec des moyens qu'on peut qualifier de médiocres, a posteriori. Grâce aussi à tous ceux qui ont suivi, parce qu'il n'était pas tout seul. Hein. Il y a des dizaines de chercheurs ensuite qui ont creusé la voie qui avait été ouverte par Maillot. On peut dire qu'il a fait faire un bond assez considérable au management, hein, parce que 30 ans plus tard, quand j'ai appris le management, on travaillait encore avec ce que Maillot avait fait à Hawthorne et ailleurs. Mais quand on regarde de près ces protocoles, la façon, bon, il y a beaucoup de bidonnage, il y a des choses qui sont pas rigoureuses. Oui, mais c'est une strate, c'est ça que vous nous dites. Voilà, il triche un peu, mais il a quand même fait prendre le virage, quoi. Demain, la suite de cette série, nous retrouverons notre invité Marc Mousselet. Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker, Jean-Philippe Svalon et les voix de Sylvie Nick-Barth et Didier Martini. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.